On ne sait où il habite, on l'appelle Joe la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond. En attendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve un peu plus que son pain quotidien, la marmite va et vient tout tranquille. Par la ville, il s'en va cueillir le reste d'un repas. Et bien vite, la marmite, près du feu qui lui réchauffe un plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique. Et revoilà la marmite, gonflée à la dynamite. Le voilà qui revient en frappant sur sa boîte de fer blanc. Et l'après-midi entière, agité à la portière, des tramways qui l'attrape en chemin, la marmite va et vient. C'est où il habite, on l'appelle sur la marmite.